des bonbons. Alors moi, non, c'est dégoûtant, les gens peuvent marcher dessus. C'est des petites filles qui ont séparé. Thank you.